Les merveilles du Mont Saint-Michel de Paul Féval, enregistré par Christiane Johan. Livre Les Moines, chapitre 1er. Les Moines d'Occident, l'abbaye de Saint-Boniface, la première élection au Mont Saint-Michel ordonnée par le pape, le roi, le duc, la bibliothèque et les pèlerinages, la chanson de Roland, le premier incendie, mort de Richard sans peur, le corps de Saint-Aubert retrouvé, abondance de légendes, la croix des grèves, Hildebert II, grandeur de son œuvre. 1. Quand on traverse les grèves, au milieu desquelles se dresse ce vivant chef-d'œuvre de la religion et de l'art, le Mont Saint-Michel, il semble que le grand livre de Montalembert, Les Moines d'Occident, prenne un corps magnifique et se lève pour prêcher avec toute l'éloquence qui resplendit dans ses pages la beauté, la force, la noblesse des choses calomniées et l'ineffable petitesse, la vanité sans vertu comme sans vergogne, la navrante et décourageante perversité des choses qui calomnient. Ces choses qui calomnient ont de l'action, pourtant, par leur infirmité même, surtout par leur vulgarité, qui les met au niveau des cohues. Comme elles s'attaquent au bien, tout mal les adopte, et toute impuissance les recherche, parce qu'elles outragent la puissance. L'esprit ennemi de Voltaire avait deviné cette force d'abjection, et tout uniquement il appelait « infâme » l'œuvre du Fils de Dieu, sauveur des hommes. Là est la misère profonde de notre âge, condamnée selon l'apparence à de redoutables expiations. Notre âge, amoureux de la terre, a nié le ciel. La nuit s'est faite dans son plein jour, comme le fauve Ésaü, il a vendu son droit d'aînesse pour la satisfaction d'un appétit, et les yeux cloués à la boue de son intérêt périssable, il envie secrètement, mais furieusement, ceux qui tournent en haut leur regard ambitieux de la richesse éternelle. Il les envie au point de les mettre à mort, tant il connaît bien leur sagesse qu'il traite de démence, et voilà pourquoi il a frappé le moine. Qu'est-ce qu'un moine pour le peuple tel qu'on nous l'a fait? Qu'est-ce surtout pour les petits bourgeois, bien plus ignorants que le peuple, parce qu'ils sont trompés incessamment et bernés par la mauvaise foi de leurs fournisseurs d'idées? Qu'est-ce qu'un moine? Eh bien, tous les gens qui savent lire un peu et mal vont vous répondre en un cœur plein de formidable bonhomie. Un moine est un fainéant d'abord, un ivrogne, ensuite un voleur, la plupart du temps, très souvent un assassin, et 9 fois sur 10, un athée. Comment, un athée? Vous avez bien entendu, un athée, leur journal le leur a dit. En exagérant rien pour 4 Parisiens sur 5, un moine est un coquin ignorant, lâche, hypocrite, redoutant la lumière et l'éteignant partout où il la trouve, un égoïste, un suppôt de toute tyrannie, un voluptueux, un... Mais à quoi bon énumérer? Mettez tous les vices bout à bout, joignez-y toutes les défaillances avec toutes les déloyautés, et vous aurez le moine tel qu'il est conçu par le pauvre Parisien, fouillant sa vie intellectuelle parmi les rebuts de notre art forain et de notre basse littérature. Et pourtant ces moines conspués, comme le fut leur maître, couronné d'épines, ont bâti le Mont Saint-Michel et 1000 autres monuments admirables. Ils ont combattu tous les despotismes, à commencer par celui qui avait droit de vie et de mort sur l'esclave. Ils ont fait en outre toutes les civilisations modernes, y compris celle de Paris. Avec quoi, ces mendiants? Avec leur foi, ces athées? Ils n'avaient que cela. Au sein de la grandeur catholique, le moine fut une incomparable grandeur. Les vicaires de Jésus-Christ, qui refaisaient glorieusement le monde, se servirent du moine comme d'un outil puissant, auquel nul autre instrument n'aurait pu suppléer. Un historien clairvoyant et calme dans ses appréciations, mais que personne assurément ne peut accuser de partialité en faveur du catholicisme, a dit, parlant des profondes secousses qui ébranlèrent l'Europe lors de la chute du colosse romain dont les barbaries s'arrachaient l'une à l'autre les lambeaux palpitants, à demi dévorés, il était, le christianisme, le seul lien qui unit encore le monde occidental, le seul principe qui l'anima, la seule force qui le mit en action, la forme nouvelle sous laquelle la civilisation devait se communiquer au dehors. C'est par lui que, après avoir transformé les barbares, ses vainqueurs, le vieux monde pouvait transformer les pays qui étaient le siège même de la barbarie. Le centre de cette nouvelle propagande civilisatrice était toujours Rome, mais son chef n'était plus le Sénat ou l'Empereur, c'était le pape, et au lieu de soldats, elle employa des moines. Quand bien même les moines n'auraient fait que cela, transformer les barbares en civilisés, transformer en pays civilisés les contrées qui étaient le siège même de la barbarie, c'est-à-dire barrer pour des siècles l'avalanche d'invasions qui écrasait l'Europe, ils auraient assurément accompli la plus grande œuvre des temps modernes. Au lieu de soldats, Rome employa des moines. Cela dirait peu dans la bouche d'un écrivain catholique. Sous la plume de l'éminent historien qu'on a nommé le frère intellectuel de M. Thiers, c'est toute une justice rendue. Là-dedans, il y a l'immense travail de Grégoire le Grand, moine bénédictin qui fut un conquérant universel si longtemps avant Charlemagne. Et il y a les pacifiques batailles de ces moines soldats de douceur et de charité, portant le bienfait de l'unité catholique à l'ouest, à l'est, au nord, à travers des obstacles et des dangers qui auraient brisé 100 fois de vrais soldats. Le réservoir creusé par le premier, par le plus grand des moines d'Occident, Benoît, au mont Cassin, déborda sur le monde. La règle de Benoît, forte entre tous les côtes connues, revêtit ses bataillons d'une armure invincible. L'anglo-saxon Winfred, dont nous avons déjà parlé sous son nom de guerre, Saint Boniface, envahit l'Allemagne où il devait trouver le martyr et fonda l'abbaye de Fulde, centre prédestiné de travail et de lumière qui devait servir de caserne avancée à Charlemagne dans sa guerre contre les Saxons païens. Auparavant, sur l'ordre de Grégoire le Grand lui-même, le moine Augustin, je ne leur donne plus leur titre de saint parce qu'ils l'étaient tous, avait subjugué l'Angleterre et l'Irlande, d'où un peuple entier d'apôtres devait rebondir pour évangéliser le continent. Colomban, fondateur de l'illustre Luxeuil et de Bobbio, d'où sortit la conversion des Lombards, si longtemps implacables au Saint-Siège. Gall, le père des villes helvétiques, et leurs disciples, dont les noms parsèment notre géographie ainsi que notre histoire. Saint-Valery, Saint-Omer, Saint-Riquier, Saint-Éloi, Saint-Ouen, Saint-Amand. Il naquit de cela presque autant de villes que de monastères. Or, Mabillon dénombre, dès le VIe siècle, plus de 200 monastères sur le seul territoire des Gaules. Il y en avait bien entendu dans toute l'Italie. Il y en eut en Espagne, après Saint-Léandre, vainqueur des Visigoths. Les îles britanniques en contenaient par centaines, l'Allemagne de même, et ce fut bientôt ainsi jusque dans l'extrême nord où Saint Osher, parti de Corbie au bord de la Somme, fonda Corway, la nouvelle Corbie, sur les rives du Weser, et de là dispersa ses disciples à travers les contrées scandinaves jusqu'à la terre de glace Iceland, l'Islande, et jusqu'au Groenland, éteignant ainsi sous la paix chrétienne les derniers et non pas les moins terribles foyers d'où les invasions normandes avaient jailli. Il reste à dire ce qu'étaient ces monastères, usines de civilisation, seules écoles du temps, pépinières de savants dans tous les genres, centres d'agriculture et d'industrie. Nos Parisiens, instruits comme ils le sont, se ferait difficilement une idée de la bienfaisante importance de ces établissements admirablement utiles dont leurs amuseurs attitrés font de si vilains petits tableaux. À leurs yeux, la population des couvents est un troupeau de frocards sordides dans son étable de paresse. Je ne leur dirai pas le contraire par moi-même, car je me sens suspect au plus haut degré, mais j'emprunterai quelques lignes encore aux membres de l'Académie française qui donnait naguère, dit-on, son éminent suffrage à M. Renan et à M. Taine, comme pour bien prouver qu'il n'est point clérical. Cela nous ramènera à cet abbaye de Fulde, en Bavière, que nous avons mentionné déjà. M. Mignet dit, en parlant de la fondation de Saint-Boniface, « Le sol qui l'entourait se défricha, et la forêt inculte, dont les profondeurs n'avaient jamais retenti des coups de la hache, fut sillonnée par la charrue et se changea en riche campagne, couverte de fermes et de villages. Le fleuve fut détourné par ses soins afin qu'il passât à travers le monastère et facilita l'exercice des divers métiers que la règle de Saint-Benoît prescrivait aux moines. la communauté de Fulde prit successivement possession de la plaine du monastère, des champs, des bois, des eaux, des pâturages environnants. Elle y transporta des succursales de moines et de cultivateurs. Elle fonda plus tard des colonies dans toute la Thuringe et la Bavière, sur les deux rives du Rhin et du Maine. Elle éleva des forteresses sur les hauteurs et entoura de fossés et de remparts les bourgs et les villes qui lui appartinrent. Elle posséda 3000 métairies en Thuringe, 3000 en Hesse, 3000 en Franconie, 3000 en Bavière, 3000 en Saxe. Leurs revenus étaient si considérables que les hôtes et les étrangers purent être accueillis, nourris, vêtus, non seulement dans le monastère où, selon l'usage, un vaste local leur était destiné, mais encore dans les cellules répandues partout au milieu des campagnes. Je ne me suis pas permis de souligner les mots qui portent dans cette remarquable page. D'ailleurs, il y faudrait tout souligner. Voici donc les fainéants d'un seul couvent qui, après avoir défriché une forêt inculte et couvert autour d'eux la campagne de moissons, détournent un fleuve pour exercer leurs nombreuses industries, les voici qui étendent de tous côtés le bienfait du travail d'une façon si heureuse et si large qu'ils arrivent à posséder, c'est-à-dire à créer, puisqu'il n'y avait rien avant eux dans le pays, sinon des landes et des chênaies, 15 000 fermes en pleine prospérité. Mesurez le carré de terre fourni par ces 5 états ou provinces que nous avons nommés et calculez quel nombre de créatures humaines furent arrachées par les inutiles aux vices, aux crimes, à la misère sanglante de la barbarie pour entrer dans le travail, dans l'aisance et dans la paix. Mais, on va dire peut-être, ces moines étaient trop riches. Il est vrai, nous l'avons vu déjà pour les clercs du Mont-Saint-Michel, et nous le verrons plus tard pour les moines dans la vie religieuse. Le plus grand danger, c'est la richesse. Mais l'impartial historien que nous venons de citer, beaucoup moins accommodant que nous, répond à l'objection d'une toute autre manière. Il montre la richesse des fils de Boniface, élevant des forteresses, ceignant de murailles les villes, et propageant à travers le pays entier un système d'hospitalité si large que la prudence de notre économie moderne répugne à y croire. Ces choses étaient pourtant non seulement à Fulde, mais dans des centaines d'abbayes. Elles furent au Mont-Saint-Michel, qui acheta ces merveilles au prix d'efforts et de trésors qu'on ne saurait calculer. J'ai mieux aimé au début les faire dire ces choses par un écrivain dépourvu de toute passion religieuse que de les affirmer moi-même. Mais, à bien réfléchir, la précaution est peut-être excessive. L'histoire unanime a parlé. Dans la rigueur du terme, ces choses sont de l'histoire.